ma seule raison de vivre. Le pire sentiment au monde, c'est lorsque tu ne peux pas aimer quelqu'un, parce que ton cœur appartient toujours à la personne qui l'a brisé. Je t'aime tout simplement. Seule raison de vivre. Le pire sentiment au monde, c'est lorsque tu ne peux pas aimer quelqu'un, parce que ton cœur appartient toujours à la personne qui l'a brisé. Je t'aime tout simplement. Je t'aime tellement. Je t'aime tout simplement. Je t'aime tellement. Je t'aime tout simplement. Tout simplement, je t'aime tout simplement. Tellement, je t'aime tellement. Je t'ai choisi. Je t'aime tout simplement. Je t'aime tellement. Tout simplement, je tout simplement, tout simplement. Je t'aime tellement. Doucement, je t'aime tout simplement. Je t'aime tellement. Oh lolo. Je t'aime tellement.